se font plus clairs. Ils sont partis, mais plus que nous savent que nous tomberons tous à terre. Ils se rapprochent comme des voleurs à l'air, déversant de leur trou, alors que nous flippons. Avec nos pères, nous pouvons rien et y arriverons. Le vent porte son grave, au loin leurs voix se font plus claires. Ils sont partis, mais plus que nous savent que nous tomberons tous à terre.